Bonjour, je sens des petites attaques en ce moment. J'ai même une petite baisse d'énergie, on dirait. Mais bon, comme je suis une tête de cochon, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant. Bon, ça continue là. Monsieur Cossette Trudel a dénoncé les drag queens. Ben franchement là. Ça va s'essouffler, ça, à un moment donné, jusqu'à ce qu'ils sortent autre chose. Puis bon, moi je le vois comme une diversion puis des eaux à ronger. Même Denise Bombardier qui s'inscrit contre ça, puis bon, vous voyez que c'est pour créer de la division, d'altérité entre autres. Par contre, là où la réelle division pourrait peut-être être utile, puis bon, ça passe un petit peu sous le tapis. Je parle de l'opposition face à ce qu'on pourrait appeler des adversaires de l'humanité. Le vrai, vrai mal. Pas celui des serfs instrumentalisés par lui, mais celui de la source. S'attaquer aux sources du problème. Ça, c'est tout le temps passé sous le tapis. Vous avez vu, là, le Dalai Lama, là, il y a des comiques de l'université Berkeley. D'une des universités de la Californie, des pires universités de gauchistes de Californie, qui dit: Ah, oh, ce que le Dalai Lama a fait, c'est des traditions. En vrai, voulez-vous qu'on en parle des traditions tibétaines, d'esclavage sexuel, de mutilation, de magie noire? De magie noire. De boire du sang dans des crânes, de tanner des peaux d'enfants, d'esclaves élevés pour être démembrés pendant des cérémonies. Les anciens instruments de torture de cette théocratie-là, les Chinois en ont fait un musée à Lhasa. Puis les gens qui se rendent au Tibet peuvent visiter ça, puis voir à quel point c'est un pays qui était arriéré et barbare. Arriéré, barbare. Là, les gens, les gauchias de l'université Berkeley nous disent: Ah, oh, ben, ça vient d'une tradition, parce il y a longtemps, il y avait un roi anti-bouddhiste qui avait la langue noire. Donc, pour se saluer, les Tibétains tiraient la langue pour être sûr de ne pas avoir affaire à la réincarnation de ce roi-là, puis blablabla. Ah bon, est-ce qu'il a sucé après à la langue? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais vous mettre en description le lien d'un petit documentaire fait, un montage fait par un particulier qui explique des liens entre la magie noire, la torture dans le bouddhisme tibétain, les sacrifices d'enfants, l'anthropophagie, des viols, toutes sortes d'horreurs. Tout ce que vous pouvez imaginer, là, ça faisait partie de l'histoire de ce pays arriéré, barbare et repoussant. J'aime pas le gouvernement communiste chinois, mais je considère que jusqu'à un certain point, ils ont fait un effort pour civiliser ces gens-là. Qui, au fond, on le sait, le Dalai Lama est un agent de la CIA, puis là, après ça, l'université Berkeley qui le défend. Oh, quelle surprise! Il y a plus de 50 000 bouddhistes au Québec. Incroyable, hein? Bon. Donc, c'est un petit montage, un documentaire dans lequel il y a des exagérations et des inexactitudes que j'ai remarquées. Par contre, tous les rapports faits par des anthropologues, par des ethnologues, même des photos qui datent du vivant de l'actuel Dalai Lama qui avait dans sa collection privée des peaux d'enfants tannées pour des rituels, des calottes crâniennes, d'esclaves élevés. Pour être sacrifié, des chapelets faits avec des dents humaines, puis envoyés donc. Ça, c'est tout réel. Puis c'est ça la religion de M. Cossette Trudel. Puis il dit pas un mot, il bavarde sur les drag queens, mais pas un mot sur ça. Je considère certaines traditions qui viennent d'Orient comme beaucoup plus dangereuses que bon. De toute façon, tout est lié. Tout est lié, tout est dans tout. L'auteur du petit montage fait même un lien entre la Kapala, vous savez, les crânes tibétains qui servent à recueillir du sang pour des cérémonies ou qui servent d'encensoir, et la kippa qu'il y a dans le judaïsme. C'est vrai qu'il y a des similitudes troublantes avec certaines choses. Puis c'est vrai aussi qu'il y a des sutras assez récents qui disent que les religions abrahamiques sont l'ennemi. Bon, on est prêt à accepter ça. On est même prêt à être d'accord. OK. Donc, bon, vous le voyez là. Regardez à quoi ça a servi, dans le fond, moi, quand je vous parle la guerre de l'image, puis c'est des oranges et des diversions. Juste le fait que François Amalega, Amalega François, peu importe dans quel sens on met ça, soit allé à des manifestations par rapport à l'heure du compte. Tout ce que ça a fait, c'est servir à des gens comme Olivier Niquette à dire c'est des anti-vax convertis en anti-drag queen. Puis là, à faire des liens avec la droite religieuse américaine, puis bla bla bla bla bla. Il y a d'autres pays où c'est pas tous des chrétiens qui s'opposent à ça, là. Parce que c'est drôle, c'est apparu simultanément dans plein de pays. Il y a plein de monde qui s'oppose, ça n'a pas nécessairement rapport avec la droite religieuse. En tout cas, j'ai trouvé ça bien comique là, d'écouter M. Olivier Niquette dire ça. Pourquoi? Parce que je l'avais vu venir. Ben oui. On le savait que ça reviendrait de même. Puis dans le fond, peut-être qu'il est bien intentionné, M. François, même les gars François, mais il reste que c'est instrumentalisé contre. Il est peut-être naïf, dans le fond. Vous connaissez Olivier Niquette, là? Monsieur de 43 ans qui en paraît 55. Bon. Mais ça, c'est nos Berkeley locaux. On a une petite Californie au Québec, c'est l'île. Comment qu'ils appellent ça, le Doc Mayo, l'île Aura? Montréal. C'est pas bien ben gentil. Mais bon, même je suis pas tout le temps d'accord avec le Doc Mayo, c'est une expression que j'ai trouvée comique, ça se peut que je lui vole. Ça se peut que je lui vole. Comment il dit ça, citoyen lucide, l'île des génies. Ouais. Donc, je vous mets en description le lien, le petit documentaire par rapport au bouddhisme, à l'hindouisme et à la magie noire et à toutes sortes de pratiques repoussantes. Même, c'est plus que on est dans le culte de la mort, puis de, bon, des pratiques. Après, faut pas être surpris, là. Bon, le Dalai Lama qui est bon. En fait, il y a pas quelque chose qu'on n'en parle jamais publiquement par rapport à ce bonhomme-là. Puis à sa famille, puis à son pays d'origine. De toute façon, même l'Inde, là. Bon, on va dire que ça va faire pour aujourd'hui. Bonne journée.